Si si, la crème de jeune Douba, la crème de rare du mort, bande de khar. Si si, le satané Ek Balafré, tout seul khadr. La lègue balafré, mal rasé, qui ne fait que se balader, m'a traqué. Je te suis à ta cachette, je nique à la machette. Je vis, je frappe à la tête, je tire à l'arbalète. Je me tire à Hammamet, on y crée la planète. Les petits lâchent la manette, on y grave la galette. Y'a le chitane à la fête, du 2F sur le net. Belle ex-trafic, leur dit si tes amis goleries, je dynamique, je torpille. J'adore Annie Cordy, je viens pas de Californie. Je rêvais de la vie de Jordi, le fric à ville, Cosby, mets des habits hors prix. Fourré la petite coxie, nouvelle tactique sortie. Des vrais courques, très mal élevé, j'ai galéré. Je mets la CC dans le stick, plat. Je vais dépasser les 30 piges, j'ai pas percé, tant pis. Mais ça te t'es quand je tire, bla. C'est la récré, je mets la fessée. Si je vais baiser, je m'en prive pas. Je suis pas pressé, tranquille, je vous caresse, je vous enfile. On m'appelait le grand Dixa. Dans le rap, c'est plein d'homo et d'indono. Je leur souhaite de crever dans leur caisse et de faire un tonneau. Bande de rappeurs de merde, bande de putain d'amateurs. L'empereur Serge Gainsbourg.